pour les petits potas qui watch, man. Puis qui dit qu'il aimerait ça comme moi, man. Trop drôle, man. Moi, j'irais juste là, man. Fuck ça, man. Fuck you. Wannabe. Resurrection Summit, c'est Rocket Dunkin'. Un jour de vote sans contredit, les pop c'est pas son sommet. Ça, je me force pour l'admettre qu'avant Just pour travailler fort, les bros. Chaque fois, je prends le mic dans mes mains. J'assure, je le cache pour la main. Le rock soir au matin, travail, mais texte, le reste du temps. J'ai du temps, puis je vais en mettre encore autant. Je casse mon produit, ça pourra se rendre ici. C'est plus dans de rue, les vrais ont disparu tout à l'heure. Y'a plus de shit que la valeur. La rue du Saint va être dans la monde parfait. Pour faire ton nom, t'as besoin de millions. Mais fuck ça, moi j'fais le monde à l'envers. J'parle pas à travers un film. Un musée, ça pour les fils. T'es pas dans, bitch. Ben décris, décris. Non, man, essayez pas. Resurrect, ça coupe par le style de Saint-Cyril. Hey, man, I'm too bang. Puis c'est pas caché si on rock nos textes de midi à minuit. Yo, yo. Resurrect, ça coupe par le style de rock et de qui nuit qui bounce. When we bust it. Encore la même histoire des gros bâtards jusqu'à dans le soir. Check it out. Yeah, yeah. Yeah.